Septièmement, comptabilité sociale. Le gouvernement socialiste n'est qu'une vaste comptabilité. Gouverner, c'est faire la somme des productions et la répartir également entre tous les ouvriers. C'est calculer le nombre d'heures de travail que chacun doit à l'association, nombre toujours variable selon qu'il y a disette ou surabondance. C'est établir des compensations pour les métiers plus ou moins pénibles. C'est imposer à chaque citoyen une tâche en harmonie avec ses aptitudes, ses forces ou sa santé. Une commission de savants ou l'académie est chargée de cette répartition. C'est elle qui veille à tirer le meilleur parti des ressources communes, c'est-à-dire à fournir la plus grande somme de bien-être contre un minimum de travail. Nommée par le tirage au sort ou par voie de roulement, elle exerce l'autorité. Elle est le gouvernement. Les hommes qui la composent peuvent, à la rigueur, avoir des opinions quelconques. Qu'ils pensent blanc ou noir, cela ne modifie en rien le résultat d'une opération arithmétique. Comme ils ne jouissent d'aucun privilège et qu'ils ne doivent rien à la faveur, ils n'ont pas besoin d'acheter des consciences pour se maintenir au pouvoir. La société étant basée sur l'égalité, ils ne reçoivent ni plus ni moins que les autres citoyens. Ils travaillent donc nécessairement au bien-être général, parce que le leur dépend de celui de la collectivité. L'argent est supprimé et remplacé par des livrets individuels de travail et de consommation, qui rendent tout trafic impossible. Le commerce est devenu un échange de produits entre les différentes parties de la population. Il ne donne lieu à aucune perte comme à aucun profit. La propriété étant collective, il n'y a ni contestation, ni procès, par suite plus de magistrature. Une répartition égale des produits entre tous les individus des deux sexes a supprimé la misère d'un côté, le luxe effréné de l'autre. C'est cause naturelle de tous les crimes et de tous les délits. Plus n'est besoin de prison. Le mal est une anomalie telle que celui qui le commettrait serait forcément un malade. Mais s'il se rencontrait des êtres foncièrement pervers, incorrigibles, ce qui semble incroyable avec l'éducation nouvelle, on devrait les interner dans les hôpitaux et les soigner comme des aliénés. Grâce à ces simplifications et à d'autres que nous ne pouvons énumérer ici, on obtient, avec la diminution des heures de travail, une augmentation considérable du bonheur matériel. Du progrès de la science résulte enfin le bonheur intellectuel, qui est le complément de l'autre et que tous peuvent goûter, parce qu'ils en ont à la fois le temps et les moyens. Ce système social porte en soi le caractère de la perfection. Comme tout ce qui est basé sur le nombre, il est éternel, définitif. Un problème n'a qu'une manière d'être juste.